France Culture et la Comédie-Française présentent Le scénario Proust de Harold Pinter avec la collaboration de Joseph Lauzet et Barbara Bray. Traduction de l'anglais et adaptation radiophonique, Jean Pavant. Une réalisation de Michel Sidorov. Écran jaune. Rase campagne, une rangée d'arbres, vue d'un wagon de train arrêté. Écran jaune. La mer, vue d'une haute fenêtre. Devant la fenêtre, une serviette, pendue à un porte-serviette. Écran jaune. Venise. La fenêtre d'un palais, vue d'une gondole. La salle à manger de l'hôtel de Balbec. Déserte. Extérieur. L'hôtel du prince de Guermantes. Paris. 1921. Après-midi. Un homme mûr, Marcel, s'avance voûté, d'un pas accablé. Plusieurs attelages, quelques automobiles, nombreux chauffeurs. Intérieur. Bibliothèque. Hôtel du prince de Guermantes, 1921. Un domestique cogne par inadvertance une cuillère contre une assiette. Marcel lève les yeux. Intérieur. Salon. Hôtel du prince de Guermantes. 1921. Les portes du salon s'ouvrent. Marcel hésite. Dizaines de visages, grotesques de vieillesse et de maquillage. La mer. Vue de la fenêtre. Marcel avance dans le salon. Les perruques et les maquillages de ces vieillards qui ont de la peine à se tenir debout, à s'asseoir, à faire des gestes, à rire, donnent l'impression d'un bal costumé grotesque. Dans la bibliothèque, Marcel, un verre posé à côté de lui, s'essuie les lèvres avec une serviette raide et crissante. Venise. Fenêtre d'un palais. Dans le salon du prince de Guermantes, un groupe de très vieilles femmes. Conduite d'eau dans la bibliothèque. Campagne silencieuse vue du wagon. Extérieur. L'hôtel du prince de Guermantes. 1921. Une voiture fait une embardée pour éviter Marcel. Il bondit en arrière, trébuche sur les pavés. La salle à manger de Balbec. Écran jaune. Ce jaune est celui d'un pan de mur dans un tableau. Le tableau est la vue de Delft de Vermeer. Marcel, 37 ans, dans une chambre de maison de santé, figé comme un oiseau de nuit. Intérieur. Le salon du prince de Guermantes. 1921. Des vieillards parlent et on ne les entend pas. Marcel se tient à l'écart. Grand hôtel de Balbec. Chambre de Marcel. 1901. Marcel, 20 ans, se penche sur ses bottines, pétrifié de chagrin. Trois clochers d'église vus d'une calèche en mouvement au crépuscule. Ils paraissent danser dans les derniers rayons du soleil. Trois arbres vus d'une calèche en mouvement à midi. La calèche s'éloigne d'eux et on a l'impression qu'ils la suivent. Marcel se penchant sur ses bottines. Les arbres. Les clochers. Écran jaune. La grille du jardin de Combray. Les clochers. La grille du jardin. La clochette s'agite doucement. Mais on ne l'entend pas. Intérieur. La chambre de Marcel. Maison de Combray. 1888. Le soir. Marcel, enfant, 8 ans, est assis sur son lit, en chemise de nuit. Il griffonne. Il glisse un message dans une enveloppe. Extérieur. Le jardin. Maison de Combray. Plus tôt dans la soirée. Marcel, son père, 42 ans, sa mère, 33 ans, sa grand-mère, 56 ans, assis avec le docteur Percepied, 50 ans. Il faut que je m'en aille. Je dois passer faire une visite à Monsieur Vinteuil. Il ne va pas fort, le pauvre homme. L'ami de sa fille est de nouveau chez eux, apparemment. Vraiment ? Oui. Elle est professeure de musique. Mais Monsieur Vinteuil est lui aussi professeur de musique. La fille préfère prendre ses leçons avec son ami. Apparemment. Évidemment, certains disent que ce n'est pas de la musique qu'elles font ensemble et que Monsieur Vinteuil doit être aveugle. Enfin, chaque fois qu'on passe devant la maison, on entend tapoter sans arrêt le piano. C'est une vraie boîte à musique. Trop de musique, à mon avis. De quoi précipiter Monsieur Vinteuil dans sa tombe. Le petit a l'air fatigué. Oui, alors, va te coucher. Nous t'avons déjà dit bonne nuit il y a 2 heures. Bon, Swann est un peu en retard, non? À quelle heure allons-nous dîner? Un homme charmant, ce monsieur Swann. Il m'a demandé de passer voir sa femme hier. Elle a une légère migraine. Eh bien, combien de fois vais-je devoir te le dire? Au lit. Maman. Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. Monsieur Swann vient dîner seul, j'imagine. En effet, seul. Intérieur, maison de Combray. Marcel gravit lentement l'escalier. Extérieur, la grille du jardin. Swann entre. Il a 40 ans. La grand-mère s'avance vers lui pour l'accueillir. Le père se lève en arrière-fond. Bonsoir, monsieur Swann. Intérieur. Chambre de Marcel. Françoise tient une enveloppe en main. Marcel, assis sur le lit, la regarde fixement. Comment voulez-vous que j'aille déranger votre mère pendant le dîner? Avec monsieur Swann à table. On dit que c'est un ami intime du président de la République. Et aussi du préfet de police et du prince de Galles. Son cocher m'a raconté qu'il dînait avec des princesses. Enfin, on les appelle comme ça. C'est ce qu'on prétend, en tout cas. Pour le moment, ils en sont à la glace. Je pourrais peut-être apporter ça en servant le café. Je verrai. Je peux pas croire que ce soit si important que ça. Qu'est-ce que ça a de si important? Extérieur. Le jardin. La table. L'enveloppe encore fermée sous la tasse de café de la mère. Quand rentrez-vous à Paris? Dans 2 semaines, je le crains. Oui. Il va nous falloir bientôt tous partir. La fin de l'été est toujours tellement triste quand nous devons quitter Combray. L'air est beaucoup plus sain ici qu'à Paris. C'est beaucoup mieux pour le petit. Non, comment va-t-il ? La poitrine. Il faut surveiller ça. Swan remarque que Marcel épie à sa fenêtre en se cachant à moitié. Leurs regards se croisent. J'ai un livre qui pourrait lui plaire. Je le ferai envoyer demain. C'est très aimable. Nous parlions de Monsieur Vinteuil avant votre arrivée. Le connaissez-vous ? Non, je ne l'ai jamais vraiment rencontré. Mais je me suis souvent demandé si c'était un parent du compositeur. Le compositeur ? Tu as sûrement entendu parler de la sonate de Vinteuil. Pardon ? Vous ne la connaissez pas ? C'est une œuvre ravissante. Je l'ai entendue pour la première fois... Oh, il y a bien des années. Ah, la sonate de Vinteuil. Oui, naturellement. Très jolie. Oui, je me demande s'ils sont parents. Il faudra que je me renseigne. Je ne crois pas. La grille du jardin se ferme. Intérieur. Chambre de Marcel. Marcel, à sa fenêtre, épie son père et sa mère, seuls à table. J'ai trouvé qu'il n'avait pas l'air d'aller très bien. C'est à cause de sa femme. Avoir gâché sa vie pour une créature comme elle. Ça me dépasse. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Il les a eues, en fait. Veux-tu monter te coucher ? Tu pourrais au moins me laisser lui demander des nouvelles de sa fille. Il en est tellement fier. Si tu commences à lui demander des nouvelles de sa fille, tu finiras par lui en demander de sa femme. Et puis tu verras qu'elle viendra te rendre visite. Et ça, il n'en est pas question. Intérieur. Maison de Combray. Haut de l'escalier. Marcel est debout, dans l'ombre. Faible lumière dans la chambre de ses parents. Bougie vacillante dans l'escalier. La mère, montant vers le palier, aperçoit Marcel. Il s'élance vers elle pour l'étreindre. Que fais-tu là ? Il essaie de l'entraîner dans sa chambre. Non ! Elle résiste. Rentre dans ta chambre. Tu ne veux pas que ton père sache comment tu te comportes. Une lueur de bougie apparaît au bout du couloir. Que se passe-t-il ? Il veut que j'aille lui dire bonsoir dans sa chambre. Il agit très stupidement. Le père s'approche d'eux. Eh bien, vas-y. Mais mon ami, on ne doit pas l'habituer. Une sottise. Il ne faut pas le rendre malade. Dors dans sa chambre pour cette fois. En tout cas, moi, je vais me coucher. Et bonne nuit. Intérieur, chambre de Marcel. Marcel, dans son lit, sanglotant, attrapant la main de sa mère. Elle s'assoit sur le lit. Allons. Il faut arrêter. Sinon, tu vas me faire pleurer moi aussi. Voilà. Les yeux de la mère. Intérieur. La chambre de Marcel. Plus tard. La mère est endormie dans l'autre lit. Marcel se tourne dans son propre lit pour la regarder. Les yeux de Marcel. Intérieur. L'opéra. Paris. Fin 1898. Le public prend place dans la salle. Marcel, 19 ans, est assis dans un fauteuil d'orchestre. Plusieurs spectateurs de l'orchestre lèvent les yeux vers les loges. Les loges sont plongées dans l'ombre. Des traits de lumière les éclairent quand s'ouvrent au fond leurs portes. Les arrivants restent un instant dans l'ombre, puis émergent dans la lumière les dames en décolleté avec des perles autour du cou, déployant leur éventail. Baignoire de la princesse de Guermantes. Femme de 37 ans. Extrêmement belle. Avec elle se trouve le prince de Guermantes. Un homme de 52 ans. Marcel les regarde intensément. La princesse est assise sur un canapé rouge corail près d'un miroir. Elle porte une résille de coquillages et de perles sur la chevelure et un collier assorti. Une plume d'oiseau du paradis descend de son front le long d'une de ses joues. La porte de la baignoire s'ouvre. Entre le duc et la duchesse de Guermantes. Le duc, homme d'une magnifique stature, au teint blanc, portant monocle, fait rasseoir en leur posant la main sur l'épaule ceux qui se sont levés à leur entrée. Il s'incline devant la princesse. La princesse et la duchesse se saluent. La duchesse est en mousseline blanche avec un éventail en plumes de cygne et une simple aigrette dans les cheveux. La duchesse et la princesse échangent des compliments en riant. La duchesse baisse un regard vers l'orchestre. Marcel, les yeux fixés sur elle, essaie de retenir son attention. Elle le remarque soudain. Elle lève sa main gantée de blanc pour lui faire un signe. La princesse regarde à son tour en direction de Marcel. La duchesse abaisse un sourire. Visage de Marcel, très ému. Aujourd'hui, nous allons marcher du côté de Guermantes. Extérieur. Les bords de la Vivonne. Combray. Jour. 1893. Nymphéa sur l'eau. Des gamins plongent des carafes pour attraper du fretin. Marcel, 13 ans, et ses parents se promène le long de la rive. Non, non, nous n'irons sûrement pas jusqu'au château. C'est beaucoup trop loin. Mais qui pourra voir la duchesse dimanche? Elle viendra à Combray pour le mariage. Je crois que Marcel est surtout fasciné par le nom, n'est-ce pas? Le nom n'est pas rien. C'est une des plus anciennes et des plus nobles familles de France. Oui, mais je parlais de la sonorité. Elle est dorée. Guermantes. Intérieur. Chambre de Marcel. Soir. 1888. Marcel, 8 ans, seul avec une lanterne magique. L'image de Geneviève de Brabant, ancêtre des Guermantes, tremble sur les murs et sur le plafond. Guermantes. Intérieur. Église Saint-Hilaire, Combray, 1893. Chapelle de Gilbert le Mauvais. Les vitraux. Cérémonie de mariage. Aubépine blanche sur l'autel. Intérieur. Église. Assemblée des fidèles. La duchesse de Guermantes. Les yeux de Marcel. Le visage de la duchesse. Elle détourne la tête avec un léger sourire aux lèvres. Extérieur, jardin, Combray, jour, 1893, plan d'ensemble. Swann, 45 ans, et Marcel, 13 ans, ensemble, assis dans le jardin. Leurs têtes sont rapprochées. Swann feuillette un livre. Il sourit et lit une ou deux phrases à Marcel. Marcel réagit vivement. Il prend le livre des mains de Swann pour étudier le passage. Extérieur, jardin, Combray, crépuscule. Marcel, assis dans une guérite d'osier, en train de lire. Françoise sort soudain de la cuisine, un couteau à la main, en poursuivant un poulet. Marcel lève les yeux en tressaillant. Intérieur, maison de Combray, cabinet d'aisance. Marcel, à la fenêtre, regarde les rues de Combray, désertes et silencieuses, en pleine chaleur. Une jeune fille, seule, traverse une rue et disparaît. Flot de cassis en fleurs devant la fenêtre. Les yeux de Marcel. Le cassis en fleurs, la rue. Extérieur, Maison de Monsieur Vinteuil, Montjouvin. Jour. Marcel et ses parents. Monsieur Vinteuil, 60 ans, sort vivement de sa maison pour se diriger vers eux. À travers la fenêtre du salon, on voit nettement Mademoiselle Vinteuil et son amie jouer du piano à quatre mains. Quel plaisir de vous voir. Bon après-midi à tous. Oui, comme vous voyez, ces deux demoiselles s'exercent. L'ami de ma fille a vraiment beaucoup de talent. J'espère que ma fille profitera de son exemple, de son enthousiasme. Je suis trop vieux maintenant, trop vieux pour donner des leçons. Mais l'ami de ma fille est tellement douée, tellement charmante et tellement douée. Wagon. Petit train venant de la Raspelière. 1901. Nuit. Marcel, 21 ans, et Albertine, 21 ans. Je connais la fille de Vinteuil presque aussi bien que je connais son amie. Je les appelle toujours mes deux grandes sœurs. Extérieur. La maison de Swann. Tansonville, 1893. Le chemin longeant le parc de Swann. Une haie d'aubépine blanche et rose. Marcel, 13 ans, regarde les aubépines. Aujourd'hui, nous allons marcher du côté de chez Swann. Plus loin sur le chemin. Le père et la mère marchent en tête. Marcel traîne derrière. Soudain, il s'arrête. À travers un trou de la haie, il voit un étang. Une canne à pêche est placée sur la rive, son bouchon dansant sur l'eau. Près de la canne se trouve un couffin d'osier. Dans une allée de gravier, un tuyau d'arrosage enroulé répand des gerbes d'eau sur les fleurs. Jasmin, pensée, verveine, fleurs grimpantes. Marcel sursaute soudain. Une fillette aux yeux noirs, avec une bêche en main, est en train de le regarder. C'est Gilberte. Elle a 13 ans. Extérieur. Parc de Tansonville. Marcel devant la haie. Il regarde fixement Gilberte. Elle lui adresse un léger sourire, mystérieux et intense. Les yeux noirs de Gilberte. Son sourire. Marcel a l'air perplexe et même inquiet. Les yeux de Gilberte. Et viens donc, Gilberte ! Que fais-tu ? Odette, Madame Swann, habillée de blanc, entre dans le champ. Elle a 36 ans. Elle est suivie par le baron de Charlus, vêtu d'un costume de lin blanc. Il a 46 ans. Gilberte se tourne vers eux. Ils regardent un instant Marcel, puis reprennent leur promenade. Plus loin, sur le chemin. Le père et la mère se sont arrêtés et retournés. Ils aperçoivent à travers les arbres Odette, Charlus et Gilberte qui s'éloignent. Je pensais qu'elle était à Paris. Elle n'a pas accompagné Swann, elle l'a laissé partir. Comme cela, elle peut être seule avec Charlus. C'était bien le baron de Charlus. Je l'ai reconnu. Qui est-ce ? Son amant, le plus récent, ou le plus ancien, je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Mais c'est intolérable, et devant la petite en plus. Marcel, viens ! Je ne crois pas que ça puisse inquiéter Swann. Franchement, je crois que ça ne lui fait plus rien du tout. Odette, vue à travers les feuillages. Odette, 14 ans plus tôt. Intérieur. La demeure des Verdurin. Paris. 1879. Visage d'Odette. Voix de Madame Verdurin. Peut-on refuser quelque chose à une petite perfection comme ça ? Oh, taisez-vous. On ne vous demande pas votre avis, je vous dis. Que vous êtes une perfection. Oh, Madame Verdurin. Swann jette un regard en direction d'Odette. Puis il se tourne vers M. Verdurin qui s'adresse à lui. Je vais allumer ma pipe. Fumez votre pipe si vous en avez envie. On ne fait pas de manière ici. Pas de manière, pas de snobisme, pas de simagrée, pas de chichi. Ici, on reste entre camarades, on n'admet pas les ennuyeux. C'est le genre de maison où l'on se sent chez soi, Monsieur Swann. Et nous sommes ravis de vous avoir. Vous êtes très aimable. Ah, décembre est prêt à jouer. Ah. Un morceau vraiment original que nous avons découvert. Une sonate d'un certain Vinteuil. Madame Verdurin est assise sur un haut siège suédois en sapin ciré. Dans le salon se trouvent le docteur Cottard, 35 ans, Madame Cottard, 31 ans, Brichot, 42 ans, et deux chambres, 20 ans. Non, non, non, pas ma sonate. Je devrais garder le lit 8 jours. Bon, d'accord. Il faut que je cède, j'imagine. Me rendre malade par amour pour l'art. Monsieur Swann, vous n'êtes pas bien là. Asseyez-vous donc sur le canapé à côté de Madame de Crécy. Vous pouvez bien lui faire une petite place, n'est-ce pas, Odette, mon trésor? Mais oui, Madame Verdurin, je pense pouvoir. Swann s'assoit près d'Odette. Elle baisse les paupières. Deux chambres jouent le passage de la sonate où se trouve la petite phrase. Madame Verdurin a le visage plongé dans les mains. Swann écoute attentivement, les sourcils froncés. Intérieur. Demeure d'Odette, rue La Pérouse, Paris, 1879. Dans le vestibule menant au salon, des chrysanthèmes fleurissent dans une longue caisse. Palmiers dans des cache-pots de porcelaine de Chine, lampes à pied de potiches chinoises, paravents où sont fixées des photographies, des éventails et des nœuds de ruban. Gros coussins de soie japonaise. Dromadaire en argent incrusté et crapaud en jade sur la cheminée. Un portrait d'Odette sur un chevalet. Odette a les bras et le cou nus. Elle porte un peignoir en crêpe de Chine mauve. Elle est au piano. Elle joue au piano, mal, la petite phrase. Que la petite phrase. Oh, je joue tellement mal. Swann embrasse Odette sur la nuque, la gorge, la bouche. Il faut vous décider. Vous voulez que je joue la phrase ou vous voulez jouer avec moi? Oh, cette phrase nous appartient. C'est notre hymne national. Vous ne trouvez pas cela magnifique? C'est très joli. Connaissez-vous ce tableau, la Zéphora? De Botticelli. Vous me faites penser à elle. C'est exactement vous. Vous êtes gentil. Intérieur. Demeure d'Odette. Début de soirée. 1880. Swann est assis inconfortablement sur un canapé. Odette s'active autour de lui. Lui arrange ses coussins. Rapproche de lui un plateau de thé posé sur une desserte. Elle lui avance un repose-pied, lui ajoute des coussins. Swann sort de sa poche une grosse liasse de billets. Il les tend à Odette. Vous m'avez dit que vous aviez besoin d'un peu d'argent. Oh, chérie. Odette se penche pour embrasser Swann. On voit ses joues lisses et roses qui montrent une texture plus grossière à mesure qu'elle s'approche. Elle l'embrasse. Il garde les yeux ouverts. Extérieur. Demeure d'Odette. Nuit. Un fiacre s'arrête. Swann en descend. Odette en peignoir. Elle prend l'air étonnée. Il est tard, je le sais. Je suis désolé. Mais vous ne deviez pas venir ce soir ? Et votre banquier ? Je suis parti tôt. Pour vous voir. Mais j'ai sommeil. J'ai une terrible migraine, je dormais. Laissez-moi entrer. Je vous soignerai. Vous avez dit que vous ne viendriez pas. Je ne me sens pas bien, je vais me coucher et voilà que vous arrivez au milieu de la nuit. Il est seulement 11h. C'est le milieu de la nuit pour moi. Je vous en prie. Pas maintenant. Demain soir, je me sentirai mieux. Ce sera délicieux. Songez-y. Extérieur. Demeure de Swann. Paris. Nuit. Le fiacre s'arrête. Le cocher va ouvrir la portière. Swann ne bouge pas. Faites demi-tour. Rue Lapérouse. Extérieur. Rue Lapérouse. Nuit. Les lampadaires sont éteints. La rue est noire. Une seule lumière filtre à travers les volets d'une maison. Swann s'avance lentement vers cette fenêtre éclairée et tend l'oreille. Qui est là ? Je passais par là. J'ai voulu savoir si vous n'étiez plus souffrante. Un vieux monsieur, tenant une lampe, le regarde avec surprise. Je suis navré. Au fond d'une chambre inconnue, se tient un autre vieux monsieur. Bonne nuit, monsieur. Swann, dans le noir, jette un regard vers la demeure d'Odette, qui est sombre et silencieuse. Intérieur. Chambre d'Odette. Odette se brosse les cheveux devant sa coiffeuse. Odette, il faut que je te pose certaines questions. Quoi ? Maintenant ? Des méchancetés, j'en suis sûre. Depuis que tu me connais, est-ce que tu as connu d'autres hommes ? J'ai tout de suite deviné que ce serait ce genre de question à voir ta mine. Non, je n'ai pas connu d'autres hommes. Pourquoi en aurais-je envie, puisque je t'ai, pauvre Nigo ? Et les femmes ? Les femmes. Souviens-toi, tu m'as toi-même déclaré que Madame Verdurin t'avait dit une fois « Je saurais bien te dégeler, tu n'es pas de marbre. » Tu m'as déjà questionné là-dessus il y a des siècles. Je sais. Et je t'ai déjà répondu que c'était une plaisanterie. Une plaisanterie, rien de plus. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire ça avec elle ? Mais non, je te le répète, tu le sais bien. D'ailleurs, elle n'est pas du tout comme ça. Ne me dis pas, tu le sais bien. Dis-moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec Madame Verdurin, ni avec aucune femme. Je n'ai jamais fait ce genre de choses avec Madame Verdurin, ni avec aucune femme. Peux-tu me le jurer sur la médaille que tu portes autour du cou ? Que tu me rends malheureuse. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Dis-moi, sur ta médaille, si oui ou non, tu n'as jamais fait ces choses. Mais je n'en sais rien, moi. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Quelle chose ? Peut-être il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je faisais. Peut-être 2-3 fois. Combien de fois ? Exactement. Oh, Charles, par pitié. C'est tout ce qu'il y a de plus ancien. Je n'y avais jamais repensé. On dirait que tu veux absolument me redonner ces idées-là pour que je m'y remette. C'est une simple question. Tu dois bien t'en souvenir. Tu dois bien savoir avec qui... Ma chérie. La dernière fois, par exemple. Mais je ne sais pas, moi. Je crois que c'était au bois, sur l'île, un soir. Tu dînais chez les Guermantes. À une table voisine, il y avait une femme que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Elle m'a dit... Venez donc derrière le petit rocher voir l'effet du clair de lune sur l'eau. D'abord j'ai bâillé et j'ai répondu non, je suis fatiguée. Elle a assuré qu'il n'y avait jamais eu un clair de lune pareil. Je lui ai dit cette blague. Je savais bien où elle voulait en venir. Extérieur. Maison et parc de Swann à Tansonville. Jour. Swann seul. Peut-être deux ou trois fois. Je savais bien où elle voulait en venir. Maison de Monsieur Vinteuil à Montjouvin. Début de soirée, 1895. Intérieur du salon. Mademoiselle Vinteuil entre, hésite, va prendre une photographie sur la cheminée, s'approche du canapé, pose la photo sur une petite table contiguë et s'allonge sur le canapé. Son amie entre. Mademoiselle Vinteuil se redresse. Fait de la place sur le canapé. Son amie la regarde en silence. Mademoiselle Vinteuil s'étend de nouveau, en bâillant. J'aimerais que tu quittes cette robe affreuse. Est-ce que tu vas tout le temps porter le deuil de ton père ? Mademoiselle Vinteuil se lève pour aller fermer les volets. Laisse donc tout ouvert. J'ai chaud. Mais on peut nous voir ? Je veux dire, nous voir en train de lire ou de faire autre chose. Et alors, si on nous voit lire, quel mal y a-t-il à ça? Où est ton livre? Quel livre? Comment peux-tu lire sans livre, petite gourde? En tout cas, moi, je ne lis pas. Je réfléchis. À quoi? L'ami s'approche de Mademoiselle Vinteuil. Elle l'embrasse. Mademoiselle Vinteuil se lève d'un bond. L'ami la poursuit. Mademoiselle Vinteuil tombe sur le canapé. L'ami s'allonge sur elle. Arrête, mon père nous regarde. L'ami se tourne pour prendre la photographie. Sais-tu ce que je vais lui faire à ton cher et regretté papa? Tu n'oserais pas faire ça. Oh, si j'oserais faire ça. Oh, si, je vais le faire. Mademoiselle Vinteuil se précipite vers la fenêtre pour fermer les volets. À l'extérieur, on voit Marcel, 15 ans, en train d'épier. Extérieur. Route de campagne près de Combray. Crépuscule. 1895. La calèche du docteur Percepied s'approchant à vive allure. Il dépasse Marcel et ses parents à pied. Il s'arrête. Il leur propose de monter dans sa calèche. Ils acceptent. Marcel s'assoit près du cocher. Marcel, à bord d'une calèche, assis près du cocher. Les clochers jumeaux de l'église de Martinville et, au loin, un autre clocher d'un autre village. Au début, la distance entre les clochers de Martinville et l'autre clocher est nette, précise. Mais avec les virages de la route et les reflets du soleil, il semble changer de position. Le troisième, quoique se dressant au loin sur un terrain plus élevé, paraît soudain se placer à côté des deux autres, faire partie du même ensemble. Autre vision, à mesure que la calèche avance. Les clochers de Martinville seuls, le troisième ayant disparu. Le troisième, flou et tremblant. Les clochers de Martinville, presque effacés. Le troisième, étonnamment clair, lumineux. Les trois clochers, apparemment côte à côte, dansant ensemble dans les derniers rayons de soleil. Visage de Marcel, plein d'animation. Extérieur, allée des Acacias, Paris, hiver, 1897, jour. Marcel, 17 ans, regarde approcher une Victoria. Odette, assise au fond, tenant une ombrelle violette. Deux hommes, près de Marcel, soulèvent leur chapeau, s'inclinent. Elle leur sourit discrètement. Les yeux d'Odette. La Victoria passe. Les deux hommes se regardent. Vous la connaissez ? J'ai couché avec elle l'après-midi de la démission de MacMahon. Extérieur. Jardin des Champs-Élysées. Paris. 1897. Gilberte, 17 ans. Chuchote dans les buissons avec des amis. Oh, Gilberte. Marcel regarde Gilberte. Swann, debout près d'un arbre, regarde Marcel qui regarde Gilberte. Extérieur. Demeure de Swann, Paris. Gilberte court vers la maison et entre. Extérieur. Immeuble de Marcel. Boulevard Malesherbes, Paris. Soir. Marcel entre dans l'immeuble. Intérieur. Appartement de Marcel. Le couloir. 1897. Marcel, 17 ans, passe devant la porte ouverte du cabinet de son père. Ah, Marcel, viens ici. Intérieur, cabinet du père. Viens saluer son Excellence, l'ambassadeur, le marquis de Norpois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, votre père me dit que vous écrivez, que vous désirez faire carrière dans les lettres. Oui, monsieur, je crois, monsieur. Plutôt que la diplomatie ? Je crois, monsieur. Vous n'avez pas l'intention de suivre les traces éminentes de monsieur votre père ? Bien sûr, il n'a pas encore l'âge de devoir prendre une décision définitive. Une carrière dans les lettres peut être très fructueuse, dirais-je, c'est-à-dire si l'on cultive un mélange équilibré d'application, de détermination et d'ambition allié à un sens précis de ses propres capacités et de ses propres limites, et si l'on possède, bien entendu, du talent. Le fils d'un de mes amis, par exemple, a publié, il y a 2 ans, un ouvrage relatif au sentiment de l'infini sur la rive occidentale du lac Victoria Nyanza. Et cette année, un opuscule moins important, mais conduit d'une plume alerte et même macérée sur le fusil à répétition de l'armée bulgare, qui l'ont mis, pourrais-je dire, tout à fait hors de pair. Il se trouve que je sais qu'on l'a cité d'une façon qui n'avait rien de défavorable, comme candidat possible à l'Académie des sciences morales. Vraiment ? En effet. Je suis heureux de pouvoir dire que la renommée d'habitude réservée aux agitateurs et aux semeurs de troubles a couronné ses efforts. Qu'avez-vous écrit ? Pardon, monsieur ? Qu'avez-vous écrit ? Rien, je crains qu'il soit vraiment achevé. Et ça ? Ça ? Et ton texte, ce que tu appelles ton poème en prose, ton texte sur les clochers. Oh non, non, ça, c'est seulement... Mais il est achevé, n'est-ce pas ? Oui, mais je l'ai écrit il y a des années. C'est enfantin. Les premières tentatives sont souvent très parlantes. Puis-je ? Je vous en prie. Les clochers. Bon, passons-nous à table. Intérieur. Salle à manger. Vous avez un chef de tout premier ordre, madame. Ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous avez conviés là. Voilà ce qu'on peut si rarement obtenir. Une daube de bœuf où la gelée ne sente pas la colle et où le bœuf ait pris le parfum des carottes. C'est admirable. Vous m'envoyez ravi. Est-ce que vous étiez hier au banquet des affaires étrangères ? Je n'ai pas pu y aller. Non. J'avoue que je l'ai délaissé pour une soirée assez différente. J'ai dîné chez la belle Madame Swann. Comme c'est intéressant. Y avait-il beaucoup de monde ? Mon Dieu, c'est une maison où il me semble que vont surtout des messieurs. Il y avait quelques hommes mariés, mais leur femme était souffrante ce soir-là. Et est-ce que Monsieur Swann allait bien, Votre Excellence ? Oh, il paraît mener une vie très active à tous égards. Aussi active que celle de sa femme, hein, on croit. La façon dont on jase. Comment ? Encore un pudding à la naisselle rose. J'aurais grand besoin de faire une cure, madame. Est-ce que la fille de Madame Swann était à ce dîner ? Elle était, oui, une charmante demoiselle. Peut-être pourriez-vous trouver une occasion de me présenter à elle, monsieur ? Bien entendu, bien entendu. Extérieur. Jardin des Champs-Élysées. Jour. Gilberte chuchote dans les buissons avec des amis. Marcel les regarde. Oh, Gilberte ! Extérieur. Demeure de Swann. Paris. Soir. Gilberte sort de la maison avec un jeune homme. Ils descendent la rue et disparaissent. Marcel dans la rue. Il cherche un instant Gilberte, fait demi-tour et s'en va. Extérieur. Le bord de mer. Balbec, 1898. Sur la digue, 5 jeunes filles, vêtues de manière voyante, très distinctes dans leur comportement. L'une poussant une bicyclette, 2 portant des clubs de golf. Elles approchent lentement. Intérieur. Salle à manger. Hôtel de Balbec. Jour. 1898. Après-midi de grande chaleur. Les rideaux sont tirés, mais pas entièrement, afin de protéger la salle du soleil. La mer scintille entre les rideaux. On aperçoit Saint-Loup, 20 ans, vêtu d'un costume blanchâtre et très léger. Il avance à grands pas de la plage vers l'hôtel, en faisant voler son monocle qu'il remet sans cesse en place. Saint-Loup se dirige vers une voiture à 2 chevaux. Il saute sur le siège de devant et prend les rênes des mains du cocher. Le directeur de l'hôtel sort précipitamment pour lui remettre une lettre. Saint-Loup la décachette, tout en lançant les chevaux. Extérieur. Bord de mer. Balbec. Jour. 1898. Le baron de Charlus, 51 ans, en arrêt devant une affiche. Costume noir, moustache noire. Son regard perçant fixe quelque chose. Intérieur. Compartiment d'un train en marche. Jour. 1898. Marcel, 18 ans, et sa grand-mère, 66 ans. Je ne vois vraiment pas pourquoi je n'aurais pas pu aller à Venise. Le médecin a dit que l'air de Balbec serait meilleur pour toi, tu le sais. Oh. J'ai besoin de boire quelque chose. Oh. Tu sais combien je suis malade. Tu veux que j'aie une nouvelle crise d'étouffement? Le médecin a ordonné que je prenne du cognac dès le début du trajet. Je me sens malade maintenant. J'ai besoin de cognac. Eh bien alors, va en chercher. C'est nécessaire à ma santé. Excellent service. Les serveurs sont charmants. Même le contrôleur est un homme distingué et spirituel. Pour être franc, je pensais que maman me manquerait à Balbec, mais maintenant je sais que non. Le médecin avait absolument raison pour le cognac. Absolument. Je me sens beaucoup mieux. Au fait, tu voulais quelque chose ? Non, non. Pourquoi n'essaies-tu pas de dormir un peu ? Regard brouillé de Marcel. La grand-mère lui sourit à travers sa voilette. Intérieur. Chambre de Marcel. Grand hôtel. Balbec. Nuit. 1898. Marcel, assis sur le lit, promenant un regard de détresse sur la chambre, volet fermé, rideau tiré. Il regarde une bibliothèque vitrée qui renvoie la lumière, puis fixe un grand miroir à pied dans un coin. Il y voit son reflet. Il tend le cou pour regarder le plafond surélevé, frissonne, voit de nouveau son reflet dans le miroir. Il se dirige vers la cloison, hésite avant de frapper. Il se rassoit sur le lit. La porte s'ouvre. La grand-mère entre, vêtue d'une robe de chambre de percale. Tu es malade? Non, seulement fatiguée. Elle s'approche, se penche vers lui, lui touche le front. Il l'embrasse violemment, lui baise les joues. Elle le serre contre elle. Maintenant, mets-toi debout. Et enlevons ses bottines. Non, je vais... Oh, je t'en prie. C'est une telle joie pour ta grand-mère. Pose ta main sur mon épaule, là. Voilà, nous allons ôter ses bottines. La grand-mère s'agenouille pour déboutonner les bottines de Marcel. Il baisse les yeux sur elle, d'un air grave. Intérieur. Chambre. Matin. La mer et le ciel scintillent dans les vitres de la bibliothèque. Par terre, une malle ouverte, avec des vêtements répandus autour. Marcel, torse nu, le visage humide, s'écarte de la cuvette, se penche vers le porte-serviette, prend une serviette propre et amidonnée qui craque quand il s'essuie le visage en regardant la fenêtre. Mer éblouissante à travers la fenêtre. Marcel remet lentement la serviette en place, fasciné par la mer. Son visage rayonne de bonheur. Intérieur. Chambre. Matin. Françoise, immobile, fixant des yeux la malle. Elle grince des dents, se met à plier les vêtements pour les ranger dans les tiroirs. Intérieur. Salle à manger de l'hôtel. Déjeuner. En arrière-fond, à la porte de la salle à manger, apparaît une vieille dame. Elle aperçoit la grand-mère et son visage s'illumine. Mais la grand-mère baisse les yeux et ne réagit pas. La vieille dame détourne le regard et se laisse conduire à sa table. Cette dame semblait te connaître. Oui, en effet. C'est la marquise de Villeparisis. Mais c'est une de tes meilleures amies. Tu ne vas pas lui parler? On ne va pas au bord de la mer pour rencontrer des gens, aussi agréables soient-ils. On va au bord de la mer pour le calme, la détente et le grand air. Madame de Villeparisis comprend parfaitement cela. Extérieur, Le bord de mer. Jour. Marcel, seul, aperçoit à distance cinq jeunes filles s'approchant lentement dans la foule. L'une pousse une bicyclette, deux autres portent des clubs de golf. Il les regarde fixement. Marcel se retourne. Sa grand-mère s'approche de lui avec Madame de Villeparisis. Permettez-moi de vous présenter mon petit-fils, Marcel. Mmh. Madame la marquise de Villeparisis. Comment allez-vous ? Votre grand-mère et moi venons de tomber l'une sur l'autre à l'entrée d'une boutique. Je n'avais aucune idée qu'elle fût à Balbec. Quelle délicieuse surprise ! Vous attendez votre neveu qui doit venir de Paris, m'avez-vous dit ? J'attends deux neveux, c'est-à-dire, pour être exact, un neveu et un petit-neveu. L'un est l'oncle de l'autre, mais ils m'appellent tous de leur tante. Les deux dames reprennent leur promenade. Marcel les suit, mais s'arrête soudain pour se retourner en direction de la digue. Plus aucune trace des jeunes filles. Intérieur. Salle à manger. Après-midi. Les rideaux sont tirés. Marcel, attablé seul devant un café. De sa place, il peut voir le hall et le vitrage de l'entrée. Sur un fond de mer, Saint-Loup se dirige vers une voiture à deux chevaux, saute sur le siège de devant, prend une enveloppe des mains du directeur de l'hôtel, la décachette tout en lançant les chevaux. Le baron de Charlus en arrêt devant une affiche. Extérieur. Le bord de mer. Jour. Marcel, sentant qu'il est regardé, se retourne. Il voit Charlus devant l'affiche. Charlus porte un costume sombre et frappe nerveusement la jambe de son pantalon avec une badine en regardant fixement Marcel. Charlus se détourne brusquement pour examiner l'affiche. Sort un calepin, prend une note, consulte sa montre, rejette en arrière son canotier, balaye des yeux le bord de mer, soupire bruyamment, puis s'en va soudain. Marcel le suit du regard. Extérieur. Le bord de mer. Jour. La petite bande de jeunes filles se promenant sur la digue. Elle marche d'un pas résolu, sans prêter attention aux gens qu'elle croise. Rien ne les arrête. Elle s'amuse à sauter par-dessus les obstacles. On s'efface à leur passage, parfois avec une sorte d'effroi. Soudain, une des jeunes filles bondit sur la tribune d'un kiosque à musique et saute par-dessus la tête d'un vieux monsieur assis en contrebas sur un siège pliant. La casquette du vieux est frôlée par les pieds de la jeune fille. Il lève des yeux épouvantés. Le soleil brille sur la mer. Mélange mouvant de visages, d'yeux, de cheveux, de teint, qui semble appartenir à un même être. Soudain, un visage précis. Une jeune fille brune, poussant une bicyclette, avec un polo enfoncé sur la tête. C'est Albertine. Elle a 18 ans. Extérieur. Bord de mer. Les jeunes filles qui passent. Albertine regarde Marcel. Elle détourne les yeux. Intérieur. Hall. Hôtel. Madame de Villeparisis. Charlus. Saint-Loup. Marcel. Le baron de Charlus. Charlus, sans regarder Marcel, lui présente sa main gantée d'un gant de Suède. Petits doigts, index et pouce repliés, les deux doigts du milieu tendus. Marcel lui serre les doigts. Le marquis de Saint-Loup en vrai. Saint-Loup reste immobile, le visage impassible. Soudain, il allonge le bras dans toute sa longueur. Marcel lui serre la main. Restaurant de Rivebelle, près de Balbec. Soir. Un grand jardin où sont dressées des tables. Toutes les tables sont prises. Les serveurs courent en tous sens. Deux très grosses caissières assises derrière un massif de fleurs. Saint-Loup et Marcel se présentent à la porte. Un maître d'hôtel prend le manteau de Marcel. Merci, monsieur. Vous feriez peut-être mieux de garder votre manteau. C'est plein de courants d'air ici. Non, ce n'est pas la peine. Ils se faufilent entre les tables. Deux dîneuses lèvent les yeux à leur passage. Saint-Loup s'incline. Il m'a reconnu. Saint-Loup et Marcel s'installent à table. Il ne fait pas encore complètement nuit. Les lumières de la salle produisent un reflet vert pâle sur les fenêtres. Je n'ai pas souvent l'occasion de me trouver avec un ami qui s'intéresse à la littérature, qui veuille écrire, qui soit sensible à l'expression de l'expérience à travers les mots. Le monde auquel, pour mon malheur, j'appartiens, ne présente rien d'autre qu'une ignorance soigneusement entretenue. Avec les siècles, c'est devenu, chez ceux qui appartiennent à ce monde, une seconde nature, se dissimulant derrière des attitudes arrogantes qui passent pour de bonnes manières. Ils ne se rendent même pas compte que leur esprit s'est atrophié. En fait, ils ne savent rien, ne s'intéressent à rien, sauf au titre nobilaire et à l'argent. Ce sont des béotiens. Vous m'avez lancé un regard réprobateur, il me semble, tout à l'heure, quand je m'adressais à mon cocher. Je vous ai trouvé un peu dur avec lui. Je le considère comme mon égal. Pourquoi affecterais-je de lui parler poliment ? Vous avez l'air de trouver que je devrais le traiter avec égard, comme un inférieur. Je le traite comme je traiterais un membre de ma famille. Vous parlez comme un aristocrate. Ces endroits me font toujours songer à un aquarium. On se demande à quel moment les gens dehors vont briser les vitres pour dévorer les poissons. Ma famille me désapprouve fortement parce que je suis amoureux d'une actrice. Mais aucun d'eux n'arrive à la cheville de Zézette, pour l'intelligence et pour la sensibilité. Je dois cependant avouer qu'elle me rend fou. Je pense tout le temps à elle. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais invité dans la maison du sergent-major. Je buvais avec lui. Soudain, j'ai entendu du bruit. Des cris. Ces cris à elle, vous comprenez? Elle était à côté, dans sa chambre, avec quelqu'un. Je reconnaissais ces cris. Le sergent-major m'a empêché d'aller voir ce qui se passait. Il s'est absolument opposé. Il était furieux. Il disait que ce serait terriblement indiscret de ma part, très impoli, très vulgaire. C'était un rêve idiot. Intérieur. Chambre de Marcel. Hôtel. Nuit. Marcel, seul dans sa chambre. On frappe à sa porte. Qui est-ce ? C'est Charlus. Puis-je entrer, monsieur ? Mon neveu racontait tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir. Et d'autre part, que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai dans ma malle un que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. C'est très aimable à vous. Je vous remercie. Mais ces malaises le soir doivent me faire paraître très stupide à vos yeux. Mais non. Vous n'avez peut-être pas de mérite personnel. Je n'en sais rien. Si peu d'êtres en ont. Mais pour un temps, du moins, vous avez la jeunesse. Et c'est toujours une séduction. Et vous avez bien placé votre affection dans votre grand-mère. C'est une tendresse permise. Je veux dire, une tendresse payée de retour. Il y en a tant dont on ne peut pas dire cela. J'ai un autre volume de Bergotte dans ma chambre. Je vais vous le faire chercher. Mais monsieur, vous êtes trop bon. Un seul volume de Bergotte me suffira. C'est ce qu'il me semble, après tout. Bonsoir. Monsieur. la mer, le jour. Marcel, en train de nager. Par-dessus l'écume, il voit la petite bande de jeunes filles se promenant sur la digue. Intérieur, hôtel. Marcel entre dans l'ascenseur. L'ascenseur monte. Marcel regarde à travers la grille. Perspective de sombres couloirs à chaque étage. Une femme de chambre marche dans un couloir en portant un traversin. Marcel se penche pour mieux la voir. Il la perd de vue pendant que l'ascenseur monte. Marcel sort de l'ascenseur. Françoise se précipite dans le couloir. Monsieur le marquis va faire une photo de votre grand-mère. Madame est tellement contente. Elle a mis sa meilleure robe. Intérieur. Chambre de la grand-mère. La grand-mère est assise devant un miroir. Elle essaie des chapeaux. N'est-ce pas stupide? Ton ami Saint-Loup... Je sais, on m'a dit. Ça ne t'ennuie pas? Je trouve que c'est une idée frivole et ridicule. Oh, monsieur, cette pauvre madame va porter le chapeau que Françoise a y arrangé. Quel chapeau? Le chapeau qu'elle a dessus. Il ne te plaît pas? Très élégant. Si tu préfères, je peux... Fais comme tu veux. J'aurais pourtant cru qu'à ton âge... Bon, je te laisse te faire belle. J'ai l'air tellement malade. Merci, Françoise. Ce chapeau donnera le change. Extérieur de l'hôtel. Saint-Loup, avec un appareil de photo, prenant un cliché. Visage douloureux de la grand-mère, soigneusement dissimulé dans l'ombre de son chapeau. Balbec, sommet de la falaise. La petite bande de jeunes filles, assises sur l'herbe pour pique-niquer. La route d'Udiménil, jour. La marquise de Villeparisis, Marcel et la grand-mère, dans la voiture de la marquise, descendant la colline. Marcel regarde dans le vague. Soudain, il se concentre. Ses yeux se plissent. Trois arbres, isolés à l'entrée d'une allée. Ces arbres, à distance, donnent l'impression de suivre la voiture. Visage de Marcel, rayonnant. Brève image des clochers de Martinville. Les arbres s'éloignent. Les arbres disparaissent. Marcel reste tourné vers l'arrière. Que regardes-tu, mon petit? Rien. Et il y avait quelque chose à voir? Non. Balbec, le sommet de la falaise. Jour. La petite bande de jeunes filles. Albertine, 18 ans. André, 20 ans. Gisèle, Rosemonde et Delphine, toutes 17 ans. Avec Marcel, installé pour un pique-nique. Contre la barrière du pré, des bicyclettes. Bateau à l'horizon. Un papillon volait entre les fleurs. Vous ne voulez pas un sandwich? Non. Je préfère ceci. Et qu'est-ce que c'est exactement? Du gâteau au chocolat. Vous n'aimez pas les sandwichs? Pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses de ça, André? Orée d'un bois près de Balbec. Jour. Albertine, assise avec Marcel. Que faisiez-vous d'habitude avant de nous connaître? Traînassez sur la plage avec toutes ces vieilles peaux? Je veux dire, vous n'aimez pas le sport? Nous jouons tout le temps au golf. Évidemment, les autres golfeurs sont très ennuyeux. Ce qu'ils peuvent être rasoirs. Je m'étais bien aperçue que vous vouliez nous connaître. On voyait très bien que vous nous trouviez intéressantes. Mais en fait, à part André, les autres sont complètement stupides. J'imagine que vous vous en êtes rendu compte. Ce sont des gamines. Albertine de profil. Ses joues. Mais André est vraiment intelligente. André sort du bois, s'approche d'eux. Albertine se lève d'un bond. Bon Dieu, quelle heure est-il? Nous devons prendre le thé avec Madame Durieux. Nous avons tout le temps. Je m'en vais. Moi, je reste, pour causer avec lui. Mais tu vas être en retard. Ne sois pas idiote. Oh, fais comme tu veux. J'ai un mot pour vous. Albertine sort une enveloppe de son sac et la tend à Marcel. Ça ne vous ennuie pas que je lise ça? Mais pas du tout. Marcel ouvre la lettre d'Albertine. Je vous aime bien. Elle est orpheline, vous savez. Le bord de mer. Balbec. Jour. Albertine et Marcel sur la digue. Demain, je passe la nuit à votre hôtel. Je rentre à Paris. Je dors à l'hôtel pour pouvoir prendre le premier train du matin. Vous pourrez venir me voir dans ma chambre si vous voulez. Oui, je veux bien. Je me suis coiffée comme vous aimez. Vous m'avez dit que vous aimiez mes cheveux comme ça, n'est-ce pas? Visage d'André qui sourit à Marcel. Hôtel. Chambre d'Albertine. Nuit. Marcel entre et ferme la porte derrière lui. Albertine est couchée dans le lit. Sa chemise de nuit blanche découvre sa gorge. Ses cheveux sont défaits. Au-delà du lit, par la fenêtre, clair de lune sur la mer. Je me suis mise au lit. J'avais des frissons. Vous avez froid? Non, je n'ai pas froid. Je vous ai dit que j'avais des frissons, mais j'ai chaud dans le lit. Asseyez-vous. Il s'assoit lentement au bord du lit. Elle lève les yeux vers lui. Il se penche vers elle pour l'embrasser. Finissez ou je sonne? Il hésite, la regarde un instant, puis se penche de nouveau vers elle, résolument. Il la frôle des lèvres. Elle détourne le visage, tend le bras, cherche le cordon de la sonnette. Et attend son ville. Visage de Gilberte regardant Marcel à travers la haie. Fenêtre à Montjouvain. Mademoiselle Vinteuil se précipitant pour fermer les volets. Laisse donc tout ouvert. J'ai chaud. Mais on peut nous voir. Je veux dire, nous voir en train de lire ou de faire autre chose. Son amie à demi-nu sur le canapé en arrière-fond. Écran jaune. Nouvel appartement à Paris, dans une aile de l'hôtel du duc de Guermantes. Salon, jour. La grand-mère est assise sous une lampe, un livre sur les genoux. Elle lit, mais distraitement. Ses yeux quittent sans arrêt la page. Elle hoche légèrement la tête. Elle paraît soucieuse, vieille, malade. Elle sourit avec peine. Même salon, quelques semaines plus tôt. La pièce est en désordre, conséquence d'un récent déménagement. Françoise et un valet de pied accrochent un tableau au mur. Marcel se tient à la fenêtre et regarde dans la cour. Il a 19 ans. Françoise et un valet de pied accrochent un tableau au mur. Jupien, 49 ans, traverse la cour. Il lève les yeux, sourit, soulève son chapeau, se dirige vers sa boutique. C'est le seul homme aimable que j'ai vu par ici. La seule personne agréable. Qui est-ce ? Monsieur Jupien. C'est un giletier. Il a sa boutique ici. Jupien entre dans sa boutique. Des cochers ramènent des chevaux aux écuries. La mère rejoint Marcel à la fenêtre. N'est-ce pas étrange ? Rappelle-toi comme le nom de Guermantes était magique pour toi, quand tu étais petit. Et maintenant, tu habites tout près d'eux. Très étrange. Église de Combray, 1893. La duchesse de Guermantes, 35 ans, se tournant, souriante. Baignoire à l'opéra, 1898. La duchesse lève sa main gantée pour faire un signe. La princesse tourne les yeux dans la même direction. L'hôtel de Guermantes, le vestibule, jour. La duchesse dans le vestibule, devant un miroir, arrangeant son chapeau, lissant ses manchettes. Ses cheveux sont dorés. Elle sort. Les domestiques s'inclinent. L'hôtel de Guermantes, portail de la cour. Le portier ouvre les portes, s'incline au passage de la duchesse. La duchesse marche dans la rue. On comprend à son regard qu'elle croise quelqu'un. Elle incline sèchement la tête et continue de marcher. Marcel, immobile dans la rue, suit la duchesse des yeux. La duchesse regarde vivement vers la droite. Les yeux de la duchesse. Marcel, immobile près d'un arbre, soulève son chapeau en s'inclinant. La duchesse, tout en marchant, incline sèchement la tête, d'un air mécontent. Son regard se fige. Elle se détourne brusquement. Intérieur d'un théâtre, fin 1898. La scène. Le plateau au milieu des décors. Le rideau est tombé. Des machinistes enlèvent les décors. C'est l'entracte. Saint-Loup et Marcel pénètrent sur le plateau. Qu'en penses-tu ? Elle a une présence étonnante sur scène. En effet, elle est électrique. Et elle est belle aussi, n'est-ce pas ? Très frappante. Des journalistes apparaissent sur scène, l'un d'eux fumant un cigare. Elle sera ici dans une minute. Elle meurt d'envie de te rencontrer. En attendant qu'elle arrive, je voudrais te demander quelque chose. Quoi donc ? Ta tante, la duchesse de Guermantes. Eh bien ? Je crois qu'elle me trouve idiot. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Une impression, c'est tout. Bêtise. Tu l'as déjà rencontrée ? Non. Je te présenterai. Quand ? Dès que j'en aurai l'occasion. Où est-elle donc ? Quelques acteurs et danseurs sortent des coulisses. Est-ce que tu écris en ce moment ? Non, je n'écris pas. Rachel apparaît. Ma chérie ! Tu étais merveilleuse. Laisse-moi te présenter Marcel. Marcel, Rachel. Toutes mes félicitations. Vraiment, ça vous a plu ? Beaucoup. Tu étais merveilleuse. Oh, ne sois pas ridicule. Comment pouvais-je être merveilleuse dans un si petit rôle ? La saison prochaine, j'aurai des premiers rôles et alors tu pourras juger. Tout en parlant, Rachel tourne les yeux vers un danseur qui s'exerce dans un coin de la scène. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ? Pardon ? Pourquoi le regardes-tu ? Qui ? Ce fichu lanceur. Vraiment ? Tu le regardais ? Et pourquoi ne le regarderais-je pas ? Vois comme il fait bien ça. Regarde-moi ses petites mains. Le danseur est vêtu comme un page de Watteau, les cils raides de mascara, les joues barbouillées de rouge. Entendant les remarques de Rachel, il répète les gestes délicats de ses mains. C'est trop gentil. Si tu dis un mot de plus, je te jure que je m'en vais tout de suite. Saint-Loup se tourne avec humeur vers Marcel. Ne reste pas comme ça dans la fumée du cigare. Ça va te faire mal. Quel bonheur si tu t'en vas. Je te préviens que je ne reviendrai plus. Je n'ose pas l'espérer. Écoute, tu sais, je t'ai promis ce collier si tu étais gentille. Pas de chantage. Tu fais sonner ton argent, mais je ne suis pas intéressée comme toi. Tu peux le garder, ton collier. Tu veux donc que je parte ? C'est cela que tu veux ? Vraiment, il est épatant avec ses mains. Monsieur, Est-ce que vous voudriez bien jeter votre cigare? La fumée fait mal à mon ami. Est-ce qu'elles font aussi comme ça avec les femmes, ces petites mains-là? Ce sont des mains de filles. Je crois qu'on pourrait très bien s'entendre avec toi, une de mes amies. Le danseur sourit à Rachel. Rachel s'éloigne lentement dans les coulisses. Il n'est pas défendu de fumer, que je sache. Quand on est malade, on n'a qu'à rentrer chez soi. En tout cas, monsieur, vous n'êtes pas très aimable. Saint-Loup lève son bras verticalement et abat sa main sur la joue du journaliste en une gifle retentissante. Le journaliste trébuche et recule. Ses amis détournent la tête. L'un se frotte les yeux, comme gêné par un grain de poussière. Un autre consulte sa montre. Mon Dieu, je crois qu'on va lever le rideau, nous ne retrouverons pas nos places. Saint-Loup s'éloigne d'un pas vif. Marcel le suit. Le danseur continue de remuer ses mains. Extérieur du théâtre. Le soir. Marcel sort par la porte des artistes. Saint-Loup le devance dans la rue. Un homme aborde Saint-Loup qui s'arrête. L'homme se met à lui parler rapidement. Saint-Loup lui donne soudain plusieurs coups de poing en le jetant à terre. Il se retourne, lance un coup d'œil à Marcel et le rejoint. Quelle racaille! Il m'a fait des propositions. Tu peux imaginer ça? À ciel ouvert. Ils n'attendent même plus que la nuit soit tombée, les misérables. Ils laissent tous deux l'homme à terre. Intérieur. Appartement. Jour. La grand-mère assise sous une lampe avec un livre. Elle lève les yeux. Elle sourit. Bonsoir, mon petit. Extérieur. Rue. Jour. 1899. Marcel, 19 ans, marchant vers la demeure de Madame de Villeparisis. Salon de Madame de Villeparisis. Le salon est tendu de soie jaune. Fauteuil tapissé de Beauvais. Nombreux portraits. Madame de Villeparisis, coiffée d'un bonnet de dentelle noire, portant un tablier, est assise à un petit bureau. Sur le bureau sont posés des pinceaux, une palette, une aquarelle commencée, et dans des verres, des soucoupes, des tasses, trempent des roses mousseuses, des ignats, des cheveux de Vénus. Elle peint. Quelques invités, dont Marcel, se pressent autour d'elle pour la regarder faire. Oui, monsieur, je me souviens très bien de monsieur Mollet. Il était très solennel. Je le vois encore descendant dîner chez lui, son chapeau de forme à la main. Un historien l'interroge. Était-ce une habitude à l'époque, madame? Mais non, c'était une habitude à monsieur Mollet, tout simplement. Je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui. Excepté, bien entendu, quand le roi venait. Puisque le roi étant partout chez lui, le maître de maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon. Madame la duchesse de Guermantes. La duchesse traverse le salon pour saluer Madame de Villeparisis. Bonjour, Oriane. Permettez-moi de vous présenter ma nièce, la duchesse de Guermantes. La duchesse s'incline brièvement, d'un air froid. Monsieur le comte d'Argencourt. La duchesse s'assoit seule sur un canapé. Elle porte un chapeau de paille orné de bleuets et une robe de soie bleue rayée. De la pointe de son ombrelle, elle trace des cercles sur le tapis. Elle promène rapidement son regard. D'un seul coup d'œil, elle juge chaque invité. Assis à l'écart, Marcel observe la duchesse. Deux jeunes hommes se présentent à l'huissier. Tous deux grands, minces, aux cheveux dorés. Monseigneur le prince de Foix. Le prince s'avance dans le salon. L'huissier et l'autre jeune homme échangent soudain un regard de reconnaissance. L'huissier écarquille les yeux. Le jeune homme ferme les siens. Qui dois-je annoncer, monsieur? Le duc de Châtellerault. Son Altesse, Monseigneur le duc de Châtellerault. Le jeune prince et le jeune duc s'approchent de la duchesse. Il lui baise la main et s'assoit près d'elle, de part et d'autre sur le canapé, et posant à leurs pieds leur chapeau haute forme. L'historien regarde les chapeaux. Vous ne devriez pas laisser vos chapeaux par terre, messieurs. On pourrait marcher dessus. Le prince de Foix jette à l'historien un regard perçant et glacial. L'historien rougit, bredouille et s'éloigne. Comment s'appelle ce monsieur qui vient de s'adresser à nous ? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous êtes terriblement pâle, mon petit Châtellerault. Êtes-vous souffrant ? Fièvre des foins. Le majordome apporte à Madame de Villeparisis une carte sur un plateau. S'arrêtant de peindre, la marquise lit la carte. La reine de Suède, seigneur, je ne me doutais pas qu'elle me savait de retour à Paris. Sa Majesté, la reine de Suède. Le duc de Guermantes entre dans le salon. Le duc se dirige vers Madame de Villeparisis pour lui baiser la main. J'ai pensé que cela vous amuserait. Quelle plaisanterie stupide. Je savais bien que vous en ririez. Le duc aperçoit Marcel. Oh, mon jeune voisin, comment allez-vous ? Marcel s'incline. Nous avons dîné avec la reine hier chez Blanche-le-Roi. Vous ne la reconnaîtriez pas. Elle est devenue énorme. Moriane trouve qu'elle a l'air d'une grenouille. Une grenouille dans une position intéressante. Le baron de Charlus. Marcel se retourne. Il s'aperçoit qu'il est à côté de Monsieur de Norpois. Avez-vous écrit quelque chose de nouveau ? Salué par quelqu'un d'autre, Norpois se retourne sans attendre la réponse. Madame de Villeparisis se penche vers la duchesse. Écoute, je crois qu'il faut que je te prévienne que j'aurai tout à l'heure la visite de la femme de Swann. Vraiment ? Je vous remercie de m'avertir. La duchesse se tourne brusquement. Pour la première fois, elle adresse un regard à Marcel. Ah, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, madame, je vous remercie. Monseigneur le prince von Pfaffenheim, Münsterburg, Weiligen. Je vous aperçois quelquefois le matin. Ça fait beaucoup de bien à la santé, une promenade. Madame Charles Swann. La duchesse jette un regard à la pendule. Oh, mon Dieu, il est temps que je parte. Elle se lève et s'éloigne vivement. Marcel se déplace dans le salon, maintenant bondé, en prenant garde de ne pas piétiner les robes des dames ou les chapeaux posés à terre. Il aperçoit Charlus causant avec Odette sur un canapé. Il se tourne et voit le duc de Châtellerault et le prince de Foix, assis raide sur le canapé, sans échanger un mot. Marcel s'approche du cercle d'admirateurs qui regarde peindre Madame de Villeparisis. On lui tape sur l'épaule. Il se retourne. C'est Charlus. Puisque je vois que vous allez dans le monde maintenant, faites-moi donc le plaisir de venir me voir. Mais c'est assez compliqué. Je suis rarement chez moi. Il faudrait que vous m'écriviez. Je vais partir dans un moment. Voulez-vous faire deux pas avec moi ? Volontiers, monsieur. Alors, attendez-moi. Charlus s'éloigne. Madame de Villeparisis a entendu ce qu'il a dit. Elle fait signe à Marcel d'approcher. Vous devez partir avec mon neveu Palamède. Oui, il m'a demandé de revenir avec lui. Ne l'attendez pas. Il cause avec monsieur de Pfaffenheim et ne pense déjà plus à ce qu'il vous a dit. Tenez, partez. Profitez-en vite, pendant qu'il a le dos tourné. Marcel s'apprête à partir seul. Voilà comme vous m'attendez, monsieur. Extérieur, rue. Marcel et Charlus sortent ensemble. Cela vous est égal de faire quelques pas ? Nous marcherons jusqu'à ce que j'aie trouvé un fiacre qui me convienne. J'ai souffert pour vous de vous voir à cette réunion ridicule. C'est de la perte de temps. Vous me direz que j'y étais bien. Mais pour moi, ce n'est pas une réunion mondaine. C'est une visite de famille. Charlus regarde avec insistance un fiacre qui passe. Le cocher s'arrête. Charlus lui fait signe de s'en aller. Je ne fais aucune attention à ce que disent les journaux sur l'affaire Dreyfus. Comment peut-on accuser Dreyfus d'avoir trahi sa patrie ? C'est un juif. Qu'est-ce qu'il a à voir avec la France ? Votre Dreyfus pourrait plutôt être condamné pour infraction aux règles de l'hospitalité. De nouveau, Charlus arrête du regard un fiacre, puis fait signe au cocher de repartir. C'est une question de lanterne, de quartier où il rentre. Il n'y a rien de plus agréable que de se donner de l'ennui pour une personne qui en vaille la peine. Toute la question est là. En valez-vous la peine ou non ? Je vous suis profondément reconnaissant, monsieur, de bien vouloir faire ainsi attention à moi. Charlus saisit le bras de Marcel. Vos paroles me touchent beaucoup. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, monsieur, mais enfin, vous l'avez peut-être appris, un article assez retentissant du Times y a fait allusion. L'empereur d'Autriche, qui m'a toujours honoré de sa bienveillance, a déclaré naguère dans un entretien rendu public que si le comte de Chambord avait eu auprès de lui un homme possédant aussi à fond que moi les dessous de la politique européenne, il serait aujourd'hui roi de France. Le fait est que je possède par expérience une sorte de dossier secret et inestimable que j'ai mis plus de 30 ans à acquérir, mais que je pourrais livrer en quelques mois à un jeune homme qui m'en semblerait digne. Je n'ai plus qu'une passion, chercher à racheter les fautes de ma vie en faisant profiter de ce que je sais, une âme encore vierge. Mais pour savoir si vous êtes ce jeune homme, il faudrait que je vous vise souvent. Très souvent. Chaque jour. Charlus lâche soudain le bras de Marcel. Un fiacre passe. Marcel aperçoit à l'intérieur le comte d'Argencourt qui les regarde. Le premier sacrifice qu'il faut me faire, c'est de ne pas aller dans le monde. Des réunions comme celles que nous venons de quitter ne feraient que déformer votre intelligence et votre caractère. Du reste, il faudrait surveiller même et surtout vos camaraderies. Ayez des maîtresses si votre famille n'y voit pas d'inconvénient. Cela ne me regarde pas, petit polisson. Mais le choix des amis hommes a une autre importance. Tenez, mon neveu Saint-Loup est à la rigueur un bon camarade pour vous. Du moins, lui, c'est un homme. Ce n'est pas un de ces efféminés comme on en rencontre tant aujourd'hui. Un de ces petits truqueurs qui mèneront peut-être demain à l'échafaud leurs innocentes victimes. Un fiacre passe en zigzagant. Le jeune cocher le conduit du fond de la voiture, affalé sur les coussins. Charlus fait arrêter le fiacre. De quel côté allez-vous ? Du vôtre. Ça vous est égal que je reste dans la voiture ? Oui ! Seulement déplier la capote. Le jeune cocher essaie de déplier la capote en titubant. Enfin ! Charlus se tourne de nouveau vers Marcel. Pensez à ma proposition. Je vous donne quelques jours pour y réfléchir sérieusement. Il s'incline sèchement. Il aide le cocher à déplier la capote, monte à côté de lui et prend les rênes. Je vais conduire. Avenue Gabriel, jour. Un fiacre s'arrête. Marcel et sa grand-mère en sortent. Ils marchent lentement dans une allée bordée d'arbres. Quelle journée agréable, n'est-ce pas ? La grand-mère a un air égaré. Son chapeau est de travers, sa cape est maculée. Regard de Marcel. J'ai un peu froid. Si tu veux bien, nous allons rentrer. Comme tu veux. Nous allons prendre un fiacre et rentrer en un rien de temps. Comme tu veux. Elle sourit et lui saisit la main. Chambre de Marcel. Nuit. Marcel dormant dans son lit. La porte s'ouvre. Sa mère entre. Elle s'approche du lit, le visage décomposé. Elle regarde Marcel. Pardonne-moi de venir troubler ton sommeil. Il ouvre les yeux et la regarde. Je ne dormais pas. Il se lève du lit. Chambre de la grand-mère. Nuit. Dans la chambre se trouvent le docteur Cottard, le père de Marcel et Françoise. Marcel et sa mère entrent. La grand-mère, couchée près de ballons d'oxygène, est prise de convulsions. Ses mains sont crispées. Elle essaie vainement de rejeter ses couvertures. Ses cheveux sont hirsutes. Tout d'un coup, elle pousse un grognement et se dresse à demi. Ses paupières tremblent, sans pouvoir se fermer. Fente de son œil gauche, sombre et trouble. Elle se fige soudain. Ses yeux sont ouverts, très clairs. Demeure du baron de Charlus. La chambre du baron. Nuit. Charlus, en robe de chambre chinoise, le cou nu, étendu sur un canapé. Un valet introduit Marcel dans la chambre et se retire. Un chapeau haute forme, luisant dans la lumière, est posé sur une chaise. Puis-je m'asseoir, monsieur ? Mettez-vous dans le siège Louis XIV. Voilà ce que vous appelez un siège Louis XIV. Je vois que vous êtes un jeune homme instruit. Un de ces jours, on prendrait les genoux de Madame de Villeparisis pour le lavabo, et on ne sait pas ce que vous y ferez. Monsieur, l'entretien que j'ai condescendu à vous accorder marquera pour nos relations le point final. Puisque j'étais tout et que vous n'étiez rien, puisque, à vrai dire, vous êtes un infime vibrion en comparaison du suréminent personnage que je représente, il m'a paru naturel de faire les premiers pas vers vous, mais vous avez sottement répondu à ce que ce n'est pas à moi à appeler de la grandeur. Vous avez menti autour de vous. Vous avez répandu des calomnies à mon sujet. Par conséquent, ce sont là les dernières paroles que nous échangerons sur Terre. Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez laissé sans réponse la proposition que je vous ai faite ici, à Paris. Enfin, tout cela est terminé. La chose ne vous a pas plu. Il n'en est plus question. Il me semble seulement que vous auriez pu m'écrire. Votre négligence dénote un manque non seulement de sensibilité, d'éducation, de bonne manière, mais aussi d'intelligence la plus élémentaire. Au lieu de cela, vous avez choisi l'attitude méprisable de tenir dans le monde des propos abjects sur moi. Monsieur, je vous jure que je n'ai rien dit qui puisse vous offenser. Et qui vous dit que j'en suis offensé ? Pensez-vous qu'il soit à votre portée de m'offenser ? Croyez-vous que la salive envenimée de 500 petits bonshommes de vos amis, juchés les uns sur les autres, arriverait à baver seulement sur mes augustes orteils ? Marcel se lève d'un bond, saisit le chapeau de soie de Charlus, le jette à terre, le piétine. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Perdez-vous la tête ? Marcel se précipite vers la porte pour sortir. Ne faites pas l'enfant ! Charlus court lui barrer la route. Entre une minute. Qui aime bien, châtie bien. Et si je vous ai bien châtié, c'est que je vous aime bien. Je voudrais bien savoir, monsieur, qui m'a perfidement calomnié. J'ai promis à mon indicateur un secret que je n'ai pas l'intention de trahir. Monsieur, vous m'insultez. Je vous ai juré que je n'avais rien dit. Alors, je mens ? On vous a trompé. C'est très possible. En principe, un propos répété est rarement vrai. En tout cas, vrai ou faux, le propos a fait son œuvre. Il vaut mieux que je m'en aille. Cela me paraît sage. Cependant, si vous vous sentez fatigué, Je pourrais vous donner une chambre ici. Je vous remercie. Je ne suis pas fatigué. Ma sympathie pour vous est bien morte. Rien ne peut la ressusciter. Je me sens un peu comme le Bose de Victor Hugo. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe. Charlus reconduit Marcel à travers le grand salon. Il désigne deux portraits. Mes oncles, le roi de Pologne et le roi d'Angleterre. Ils sortent dans la rue. Charlus lève les yeux vers le ciel nocturne. Il fait un clair de lune superbe. Je pense que j'irai l'admirer au bois. Ah, ce serait agréable de regarder ce clair de lune bleu au bois, avec quelqu'un comme vous. Car vous êtes gentil tout de même. Vous pourriez l'être plus que personne. Autrefois, je dois dire que je vous trouvais bien insignifiant. Que l'exemple actuel vous serve d'enseignement. Ne le négligez pas. Une sympathie est toujours précieuse. Bonsoir, monsieur. Merci de votre visite. Visage dur de Charlus. La cour de l'hôtel des Guermantes. Jour. Charlus, en costume sombre, regarde fixement quelque chose. Il y a une curieuse tendresse dans son visage. Fenêtre de l'appartement de Marcel. Jour. Marcel observe la cour par les volets entrouverts. Jupien vient de sortir de sa boutique. Marcel comprend que Charlus regarde Jupien. S'apercevant qu'il est remarqué par Charlus, Jupien lui rend son regard. Charlus fait mine de chercher son chemin. Mais il dirige sans cesse vers Jupien un regard extraordinairement attentif. Jupien pose son poing sur la hanche, fait saillir son derrière, penche la tête de côté, garde la pose. Charlus s'approche de lui d'un air détaché. Il reste un instant silencieux, l'un en face de l'autre. Auriez-vous du feu par hasard ? Certainement. Je vous demande du feu, mais je vois que j'ai oublié mes cigares. Entrez, on vous donnera tout ce que vous voudrez. Ils entrent dans la boutique. La porte se ferme. Marcel sort dans la cour. Il en fait le tour en rasant les murs d'un air absorbé. Il s'arrête devant la boutique contiguë à celle de Jupien. Il en ouvre discrètement la porte et entre. Intérieur d'une boutique désaffectée. Marcel, immobile dans la pénombre, près d'une cloison qui le sépare de la boutique de Jupien. Marcel grimpe sur une échelle le long de la cloison pour regarder par un vasistas. Non, non, gardez votre argent. Tout le plaisir était pour moi. Pourquoi avez-vous votre menton rasé comme cela ? C'est si beau, une belle barbe. Ah, fille, c'est dégoûtant. Dites-moi, vous ne savez rien sur le marchand de marrons du coin ? Non, pas à gauche, une horreur. Mais du côté père, un grand gaillard tout noir. Je vois que vous avez un cœur d'artichaut. Un gros vilain, oui, va. Grand gosse. Charlus s'écarte de Jupia. Il s'assoit et allume un cigare. Ne connaîtriez-vous pas par hasard des contrôleurs de tramway? Cela pourrait présenter quelque intérêt pour mes retours à la maison. Il m'arrive en effet, comme le calife qui parcourait Bagdad pris pour un simple marchand, de condescendre à suivre quelques curieux petits personnages dont la silhouette m'aura amusé. Il prend un tram, je le suis. Il prend un train, je monte avec lui. Et je me retrouve souvent à 11h du soir, en fin de ligne, gros gens comme devant. C'est pour cela, pour remédier à ces retours seuls, que j'aimerais assez connaître un garçon de wagon-lit, un conducteur d'omnibus. Vous pourriez me rendre de grands services. Vous pourriez vous entremettre. Vous croyez ? Sans aucun doute. Vous êtes un homme sensible et perspicace. Cela brille sur votre visage. C'est gentil ce que vous me dites là. Appartement des parents, chambre de Marcel. Soir, 1900. Marcel, 20 ans, est couché. Albertine, 20 ans, est assise sur une chaise près du lit. Et vous allez bien ? Assez bien. J'ai des crises de temps en temps. Et vous devez vous reposer comme maintenant ? Oui. Mon pauvre petit. Je ne peux pas rester longtemps. Vous venez à peine d'arriver ? Oui, mais je ne veux pas être en retard. Où allez-vous ? Oh, je dois voir quelques amis. J'aime votre chambre. Elle est jolie. Je trouve que vous devriez vous faire pousser la moustache. Je préfère me raser. Ça peut être joli, une moustache. Ça vous arrive de penser à Balbec, à la mer ? Parfois. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous étiez couché et j'étais assis au bord du lit à côté de vous. C'est juste. Eh bien, je trouve que vous devriez vous asseoir au bord du lit. Maintenant. Par amour de la symétrie. Par amour de quoi ? Venez ici. Ici ? À présent, je peux bien vous voir. Vous me voyez aussi bien tout à l'heure. Non. Je vois mieux vos yeux maintenant. Mais vous seriez plus à l'aise si vous vous étendiez tout à fait. Vous croyez ? Essayez. Je dois partir bientôt, vous le savez. Elle s'allonge, à plat ventre, à moitié sur lui. Albertine bondit du lit et se rassoit sur sa chaise. Françoise entre. Elle apporte une lampe. Comment ? Déjà la lampe ? Mon Dieu, que cette lumière est vive ! Faut-il que je l'éteinde ? Non, posez-la. Françoise pose la lampe et sort. Albertine se lève avec lenteur. S'assoit sur le lit, s'allonge près de Marcel. J'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de vous embrasser. Ce serait un beau malheur. Il l'attire à lui. Extérieur. Plage, Balbec. Jour, 1898. Albertine, se détachant sur la mer et le ciel, riant. Intérieur, chambre de Marcel, soir, 1900. Marcel attire Albertine à lui. Les joues d'Albertine, lisses et roses, s'approchent de l'œil de Marcel et montre une texture plus grossière. Leurs lèvres se touchent. Noires, Pourquoi ne m'avez-vous pas permis de vous embrasser à Balbec ? Je ne vous connaissais pas bien. Elle se penche sur lui, le serre contre elle. Il l'étreint brusquement. Il reste allongé, côte à côte, immobile. Le visage d'Albertine est soumis, absent. Vous ne devez pas partir. Non. Non, j'ai tout mon temps. Quels jolis cheveux vous avez. Quels jolis yeux. Vous êtes un gentil garçon. Hôtel de Guermantes. Premier étage. Jour. 1900. Le duc se tient à la porte de la bibliothèque. Il accueille Marcel. Comme c'est aimable à vous de venir nous saluer. Oriane sera ici dans un moment. Intérieur de la bibliothèque. Elle s'habille. Nous dînons chez Madame de Sainte-Euverte, puis nous allons à une grande soirée chez mon cousin, le prince de Guermantes. Après quoi, nous devons revenir ici vers minuit pour nous changer pour un bal costumé que donne la marquise d'Arpajon. Je serai en Louis XI et Oriane en Isabeau de Bavière. Charles, connaissez-vous ce jeune homme ? Marcel se tourne et aperçoit Swann. Au fond de la bibliothèque. Swann s'approche. Il a 52 ans. Il a le visage décomposé. Il porte une redingote gris-perle, des gants blancs rayés de noir, et tient à la main un haut de forme gris, doublé de cuir vert. Il tend la main à Marcel. Comment allez-vous ? Je doute que vous vous souveniez de moi, monsieur. Mais si, bien sûr. Vos parents vont bien ? Très bien, je vous remercie. Parfait. Parfait. Tenez, Charles, vous qui êtes un grand connaisseur, j'aimerais avoir votre avis sur ceci. Que dites-vous de cette toile ? Je viens de la troquer contre deux monnaies. Je crois bien que c'est un Vermeer. Qu'en pensez-vous ? Difficile à dire. Oh, allons, un expert comme vous. N'êtes-vous pas en train d'écrire une étude sur Vermeer ? Non, pas vraiment une étude. Seulement un article et sur un seul tableau. La vue de Delft ? En effet. Le petit pan de mur jaune ? En effet. Le petit pan ? Quel petit pan ? Je trouve que c'est le plus beau tableau du monde. Alors je l'ai sûrement vu. Mais enfin, Charles, vous, un maître en la matière, à qui l'attribuez-vous ? À la malveillance. Oh, vraiment ? La duchesse entre. Quel plaisir de vous voir ! Et quelle tristesse de devoir sortir ! Ces dîners peuvent être tellement ennuyeux. Il y a des soirs où l'on préférerait mourir. Mais mourir est peut-être encore plus ennuyeux puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Comme c'est bien de faire doubler votre chapeau de verre. D'ailleurs, en vous, Charles, tout est joli. Aussi bien ce que vous portez que ce que vous dites, ce que vous lisez que ce que vous faites. Ce qui me fait penser, Bazin et moi avons l'intention de passer le printemps prochain en Italie et en Sicile. Si vous veniez avec nous, ce serait tout autre chose. Je ne parle pas seulement de la joie de vous voir, mais de toutes les choses que vous nous expliqueriez là-bas. Car vous savez tout, admettez-le. Madame, je crois bien que ce ne sera pas possible. Comme c'est dommage. Je voudrais bien savoir comment, 10 mois d'avance, vous pouvez dire que c'est impossible. Vous voyez que je suis très souffrant. Oui, mon petit Charles, je ne vous trouve pas bonne mine du tout. La voiture attend, monsieur le duc. Allons, pressons, Oriane, nous allons être en retard. La duchesse rejoint le duc dans l'escalier. Swann et Marcel la suivent. Eh bien, Charles, en un mot, la raison qui vous empêchera de venir en Italie au printemps ? Mais ma chère amie, c'est que je serai mort depuis longtemps. Selon les médecins, je n'ai plus que 3 ou 4 mois à vivre. La duchesse s'arrête. Qu'est-ce que vous me dites là? Vous voulez plaisanter? Ce serait une plaisanterie d'un goût charmant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. Mais comme vous me l'avez demandé, bon, mais surtout, je ne veux pas que vous vous retardiez. Ne vous occupez pas de notre retard, ça n'a aucune importance. Le duc s'impatiente dans la cour. Oh, rien. Vous savez parfaitement que Madame de Sainte-Verte tient à ce qu'on se mette à table à 8h tapant. Je vous demande pardon, Charles, mais il est 8h moins 10. Et Oriane a la réputation d'être toujours en retard. Vous savez, je ne crois pas un mot de ce que vous me dites, mais il faut en parler ensemble. La duchesse s'apprête à grimper en voiture. Venez déjeuner. Vous me direz votre jour et votre heure. Nous en reparlerons. Dans son mouvement, elle fait paraître au bas de sa robe la pointe de son soulier. Oriane, qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse ? Vous avez gardé vos souliers noirs. Remontez vite mettre vos souliers rouges. Mais mon ami, puisque nous sommes en retard. Et alors, quelle importance ? D'ailleurs, nous avons tout le temps. Vous ne me pouvez tout de même pas aller avec une robe rouge et des souliers noirs. La duchesse retourne dans la maison. Une robe rouge avec des souliers noirs. J'avais remarqué ces souliers noirs et ils ne m'avaient nullement choqué. Je ne vous dis pas, mais c'est plus élégant qu'ils soient de la même couleur que la robe. Je vous avouerai franchement que moi, je meurs de faim. Quant à vous, Charles, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins. Vous nous enterrerez tous.